بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc ceci est le cours numéro 12 dans la lecture du livre de l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, qui s'intitule Fathur Rahim al-Malik al-Allam. Et nous nous étions arrêtés au cours précédent au chapitre dans lequel le cheikh va parler de deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont Al-Quddus et As-Salam. Donc le shir dit Al-Quddus As-Salam. Et la traduction qui m'est parue le plus convenable concernant le nom Al-Quddus, c'est le saint avec un T. Le saint, S-A-I-N-T. Car le saint, en français, pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, désigne celui qui est par essence la perfection et la pureté absolue. Donc, le mot redonnant le meilleur sens du nom en arabe, Al-Quddus, en français c'est le saint avec un T. Quant au nom As-Salam, il a été traduit par de plusieurs façons et je n'ai pas trouvé dans les différentes traductions qu'il y a eu sur ce nom, je n'ai pas trouvé réellement une traduction faisant apparaître le sens de ce nom, Salam, selon l'explication des savants, telle que va nous l'expliquer ici le cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah. Donc, je préfère le garder tel quel et dire, parmi ces noms, il y a As-Salam et l'expliquer par ce qui va suivre, Inch'Allah. Et qui est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est pur de tout, de toute imperfection et de tout défaut. Le shirk dit ensuite أي الذي له كل قدس وطهارة وتعظيم وتقدس عن صفات النقص. Donc, pour expliquer ces deux noms, le cheikh il dit, c'est-à-dire celui qui possède toute sainteté, pureté et grandeur et qui est exempt de toute imperfection. فالقدوس يرجع إلى صفات العظمة وإلى السلامة من العيوب والنقائص. Donc le nom Al-Quddus revient aux attributs de grandeur ainsi qu'à l'absence de défauts et d'imperfections. كما أن السلام يدل على المعنى الثاني فهو سالم من كل عيب وآفة ونقص. De même, As-Salam indique ce deuxième sens. Il est donc Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est pur de tout défaut, de toute déficience et de toute imperfection. Puis le shir explique cela en disant وَمَجْمُوعُ مَا يُنَزَّهُ عَنْهُ شَيْئَانِ l'ensemble de ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala est exempté comprend deux choses. Ahaduhuma annahu munazzahun an kulli ma yunafi sifati kamalihi. La première de ces deux choses, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempté de tout ce qui s'oppose à ses attributs de perfection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempté de tout ce qui s'oppose à ses attributs de perfection. فَإِنَّ لَهُ الْمُنْتَهَى فِي كُلِّ صِفَةِ كَمَالٍ. En effet, il possède le paroxysme, le summum de tout attribut de perfection. فهو موصوف بكمال العلم وكمال القدرة منزه عما ينافي ذلك من النسيان والغفلة وأن يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. Il est donc qualifié de la plénitude de la science et la totalité du pouvoir, exempté de ce qui s'y oppose, comme l'oubli, la négligence, ou que lui échappe une chose du poids d'un atome dans les cieux ou sur la terre, ni même une chose plus petite ou plus grande que cela. ومنزه عن العجز والتعب والإعياء واللغوب. Il est exempt aussi de l'incapacité. Il est exempté de l'incapacité, de la fatigue, de l'exténuation et de la lassitude. وموصوف بكمال الحياة والقيومية. منزه عن ضدها من الموت والسنة والنوم. Il est également qualifié de la plénitude de la vie et de la totale gestion, exempté de leurs contraires, qui sont la mort, la somnolence et le sommeil. وموصوف بالعدل والغنى التام. منزه عن الظلم والحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه. Il est également qualifié de la justice et de la richesse totale, exempté de l'injustice et du besoin de qui que ce soit, en quoi que ce soit. وموصوف بكمال الحكمة والرحمة. منزه عما يضاد ذلك من العبث والسفه وأن يفعل أو يشرع ما ينافي الحكمة والرحمة. Il est aussi qualifié de la plénitude de la sagesse et de la miséricorde, exempté de tout ce qui contredit cela, comme la futilité, la sottise, et qu'il fasse ou légifère ce qui s'oppose à la sagesse et à la miséricorde. Et je précise que dans la version traduite par les éditions Ibn Badis, ils n'ont pas traduit le mot aw yashra, c'est-à-dire qu'il légifère, ou qu'il légifère ceux qui s'opposent, etc. Puis le shir dit: وهكذا جميع صفاته منزه عن كل ما ينافيها ويضادها. Il en est de même. Il en est de même pour tous ses attributs Il est exempté de tout ce qui s'y oppose et les contredit. Puis le shir dit Athani, c'est-à-dire la deuxième chose dont Allah subhanahu wa ta'ala est exempté. أنه منزه عن مماثلة أحد من خلقه أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه. Donc cette deuxième chose dont Allah subhanahu wa ta'ala est exempté, c'est qu'il est exempt de toute ressemblance à n'importe laquelle de ses créatures ou d'avoir un égal en quoi que ce soit. فالمخلوقات كلها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليق بها من العظمة والكمال اللائق بها فليس شيء منها يقارب أو يشابه الباري. De ce fait, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempté d'avoir un égal ou d'avoir toute ressemblance, d'avoir quelque ressemblance que ce soit à une de ces créatures, de ce fait, toutes les créatures, peu importe leur grandeur, peu importe leur noblesse et le plus haut degré d'excellence et de perfection leur convenant qu'elles aient pu atteindre, aucune d'elles ne peut s'apparenter ou ressembler au Bari, au créateur El-Bari, celui qui fait exister. Si vous vous souvenez, lors d'un cours précédent, lorsque nous avions parlé de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, El-Bari, j'avais dit que je ne préférais pas le traduire, mais par un nom, mais en donner l'explication et qu'il est celui qui fait exister, celui qui fait exister. Donc, aucune des créatures, peu importe sa grandeur, sa noblesse et le degré d'excellence et de perfection qu'elle ait pu atteindre, aucune de ces créatures ne peut s'apparenter ou ressembler à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, toutes leurs qualités s'anéantissent si elles sont comparées aux attributs de leur créateur. Le shir dit « Bel jami'u awsafiha tabmahillu idha nusibat ila sifati bariha wa khaliqiha » Toutes leurs qualités s'anéantissent, toutes les qualités des créatures s'anéantissent si elles sont comparées aux attributs de leur créateur et de celui qui les a fait exister. Bel jami'u ma fiha min al-ma'ani wal-nu'ut wal-kamal huwa alladhi a'taha iyyahu. En fait, tout ce qu'elles ont, le shir dit, en fait, tout ce qu'elles ont, ces créatures, comme substance, qualité et perfection, c'est même lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui les leur a octroyés. فَهُوَ الَّذِي خَلَقَ فِيهَا الْعُقُولَ وَالسَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْقُوَّ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ. C'est lui qui a créé en elle la raison, l'ouïe, la vue et les facultés extérieures et intérieures, c'est-à-dire les facultés physiques et mentales. وَهُوَ الَّذِي عَلَّمَهَا وَأَلْهَمَهَا. C'est également lui qui leur a appris et inspiré toutes choses. وَهُوَ الَّذِي نَمَّاهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَكَمَّلَهَا. Et c'est lui qui les a fait évoluer extérieurement et intérieurement, et les a parfaits. et les a rendus ou leur a fait atteindre la perfection qui leur convient. قالت الرسل والملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا. Les messagers et les anges dirent: nous n'avons aucune science, mis à part ce que tu nous as appris. Puis le cheikh dit: وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته إلى آخر الحديث. Le cheikh dit donc, et dans le hadith Qudsi: ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi donc de vous guider, je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris, etc. jusqu'à la fin du hadith. Hadith rapporté par Muslim d'ailleurs. Et ici, en guise d'explication, car le cheikh dit, dans le hadith Qudsi, il faut savoir que le hadith Qudsi, c'est-à-dire le hadith saint, avec un T, appelé également hadith divin, al-hadith al-ilahi, les savants disent que le hadith Qudsi est un hadith dont les mots et le sens provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais que c'est une révélation qui ne fait pas partie du Coran, et qu'elle n'a pas donc le même statut que le Coran. Car, comme les savants expliquent, ils disent que ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est de trois types. La première des choses, le premier type, c'est ceux dont les termes et le sens provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est impossible à reproduire, comme Allah subhanahu wa ta'ala en a défié l'humanité tout entière, les djinns et les hommes. Et ce premier type, c'est le Coran. Les mots du Coran et le sens des versets, tout cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait de ce Coran un miracle qu'il a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par lequel il a défié toutes les créatures, les djinns et les hommes, de produire une chose semblable, en précisant qu'elles ne pourront jamais. Donc c'est le premier type de choses qui ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Allah, qui est ceux dont les termes et le sens provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est impossible à reproduire en quoi que ce soit. Le deuxième type de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux dont les termes et le sens provient d'Allah subhanahu wa ta'ala mais n'a pas cette qualité de miracle impossible à reproduire. Donc les mots et le sens des mots provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'en a pas défié les créatures de produire quelque chose de semblable. Et ceci, ce deuxième type, c'est le hadith Qudsi, le hadith saint, qu'on appelle également le hadith al-ilahi, le hadith divin. Donc, le hadith divin, c'est un hadith dans lequel les mots qui sont utilisés, les mots qui sont cités, ont été prononcés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit ces choses, et le sens également des mots, il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'est pas un miracle. Il n'a pas cette caractéristique de miracle. Quant au troisième type de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux dont le sens provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais dont les termes proviennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le sens général, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a exprimé avec ses mots à lui. Et ça, ce troisième type, c'est le hadith prophétique, le hadith nabawi, le hadith prophétique, contrairement au hadith qudsi, dont les termes, les mots employés, proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme son sens. Donc là, c'est un hadith qudsi que le shir a cité, dans lequel, donc, pour prouver, le shir a cité ce hadith pour prouver que tout ce que les créatures ont comme connaissance et ont comme subsistance, c'est tout ceci provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Tous égarés par l'ignorance, sauf celui que je guide, en lui apprenant la vérité et en l'amenant à elle. Dans la suite de ce hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris, afin de prouver que tous ceux dont profitent les créatures proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui les a créés et les fait évoluer. Puis le shir dit, pour terminer ce chapitre, فَهُوَ الْمُنَزَّهُ عَنْ كُلِّ مَا يُنَافِ سِفَاتِ الْمَجْدِ وَالْعَظَمَةِ وَالْكَمَالِ وَهُوَ الْمُنَزَّهُ عَنِ الدِّدِّ وَالنِّدِّ وَالْكُفْءِ وَالْأَمْثَالِ وَذَلِكَ دَاخِلٌ فِي اسْمِهِ الْقُدُّوسِ السَّلَامِ. Donc, il dit le shir, en résumé, Allah est donc exemple de tout ce qui s'oppose aux attributs de gloire, de grandeur et de perfection, de même qu'il est exempt de tout opposant, égal et semblable. Et ceci entre dans la signification de ses noms, El-Quddus, le Saint, et As-Salam, qui, comme je vous l'ai dit, je ne préfère pas traduire. Et c'est ainsi donc que se termine le cours d'aujourd'hui. Hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.